abondé. Il a très bien conçu cet ouvrage, l'a rendu bénéfique, et a rassemblé tout ce que l'étudiant et tout musulman doit savoir concernant la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement dernier, et au destin bon ou mauvais. Il a aussi ajouté des points importants que l'on retrouve dans peu d'ouvrages écrits dans ce domaine. Qu'Allah lui accorde donc sa rétribution, lui augmente sa science, le guide et fasse que cet ouvrage ainsi que tous ses autres livres puissent profiter au plus grand nombre. Qu'Allah le mette ainsi que moi-même et tous nos frères parmi le nombre de ceux qui guident et de ceux qui sont guidés, et parmi ceux qui appellent vers lui avec des preuves accablantes. Il est l'audient et le proche. Et qu'Allah accorde sa prière et son salut à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa famille et ses compagnons. Écrit par Cheikh Abdelaziz ibn Abdullah Mubaz, qu'Allah lui fasse miséricorde et lui accorde une place élevée au paradis. جميل هذه المقدمة. Donc c'est une très belle introduction. Cheikh Mohammed ibn Uthaymeen, عالم. الشيخ محمد بن صالح العثماني في partie des savants. والشيخ ابن باز شيخ. الشيخ ابن باز رحمه الله اسمه شيخ. ابن عثيمين من طلاب ابن باز. الشيخ عثمان رحمه الله faisait partie des élèves du شيخ ابن باز. الشيخ ألف كتابه. Cheikh Mohammed ibn Mohammed Musalih rahimahullah a composé son livre. Il peut le publier. Mais il a fait que c'est Cheikh ibn Baz rahimahullah lui-même qui le préface. Quand il a écrit ce livre, il avait presque 55 ans. قدم له الشيخ بن باز وعمره 74. الشيخ بن عثيمين رحمه الله عليه lorsqu'il a pris la fait la préface il avait 74 ans. أو 71 تقريبا. Ou bien 71. كبير في السن. Il est âgé donc. ولكن قدم لكتابه عالم. Mais c'est un savant qui a fait la préface de son livre. Donc c'est lui donc qui lui a donné donc de la valeur. Et aussi il a fait l'éloge de son livre. Il a dit qu'il se distingue par des choses. Et qu'il y a des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc il a loué le livre. Et il a aussi fait l'éloge de tous ses ouvrages. Et à la fin, il a dit donc celui, il a été dicté par. Parce que le Cheikh, rahimahullah, il n'écrivait pas. Il dicte et d'autres écrivent. Quelle raison? Parce qu'il est aveugle. C'est pour ça qu'il a dit dicté par. Ça fait partie de la précision. Au lieu de dire, l'écrivain a dit, il l'a écrit. Voilà, donc ici il a bien été précis, il a dit, c'est lui qui l'a dicté et quelqu'un d'autre a écrit. Voilà, donc il a écrit, dicté par le pauvre. Il ne s'est pas donné un titre. Tout le monde sait que c'est un savant. Mais celui qui fait preuve de modestie, Allah il l'élève. Il ne faut pas toujours te voir au-dessus de tout le monde. Voilà, donc quand tu te présentes, présente-toi d'une manière modeste. Rien que dans cette préface, il y a une éducation. Voilà, donc dans la voie. Donc si c'est la voix de Sadaf dans leur façon lorsqu'ils apportent l'éloge pour tel ou un tel. Voilà, et elle renforce encore le livre, bien qu'il soit déjà assez fort. Voilà, comme si donc ce livre présente le dogme des deux cheikhs. Donc, il l'a lu et il l'a fait lire. Donc, par la bénédiction d'Allah, nous allons commencer donc ce livre. ولا تقرا العربي ونشرحه والترجمه شرحه ما رايكم ها ما رايكم Donc en fait, vous préférez quoi? On lit le texte en arabe et on lit la traduction, ou bien on lit le texte en arabe et Cheikh directement donc il explique et on traduit ce qu'il explique pour moins perdre de temps. نقرأ النص العربي والشرح تكون الترجمة. موافقين؟ نعم ولا وي؟ وي وي. قال الشيخ العثيمين رحمه الله عليه قراءة على شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه المقدمة. Dans cette introduction, حمد الله. Il a commencé par les louanges d'Allah. وبين أن له العاقبة. Et il a montré donc que la fin, elle appartient toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. وأن المعتدين. Et que ceux qui transgressent. الظالمين. Les injustes. مستحقين للجزاء. Ils méritent donc le châtiment. شهد بالوحدانية. Et il a attesté à Allah par l'unicité. وأنكر الشرك. Et il a donc renié toutes sortes d'associations. وأثبت الملك للحق المبين. Et il a attribué donc la royauté à Allah, le véridique. شهد بالرسالة. Et après, il a témoigné de la prophétie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وآمن بأنه خاتم الأنبياء وإمام. Et il a cru donc que c'est le dernier des messagers et qu'il est le guide des croyants. فصلى على صحبه والتابعين. Et il a prié donc sur les compagnons et tous ceux qui les suivent. نعم. أما بعد. فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. جميل. هذه فيها ثلاثة أمور. Dans ce passage il y a trois points. أنه أنزل الحق المبين. Que la vérité claire et évidente a été descendue. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه. Et que le prophète صلى الله عليه وسلم l'a transmis. فهو القدوة لهم. Donc c'est lui le modèle à suivre. Et aussi c'est un argument contre eux. Rasoul, c'est un prophète, Bella. Messager, donc il a transmis. Qudwa, et il est donc un modèle à suivre. Yutba. Et on doit le suivre. Hujja, et aussi c'est un argument ala celui qui ne, pour celui qui ne le suit pas. Et aussi c'est un argument pour celui qui l'a suivi. Donc ici il y a trois points. Maria. Lesquels? Ursula. Il a été envoyé par Allah. Qudwa. Et c'est un exemple pour la communauté. Hujja. Et c'est une preuve. Al-muttabi' wal-muttabi'. Pour celui qui le suit et celui qui ne le suit pas. بيّن به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. انظر كم مسألة بينت. Regarde ici donc combien de points il a traité. الكتاب والحكمة. Donc le livre, la sagesse. نتيجتها. Le résultat, واحد. Premièrement, صلاح العباد. Voilà, c'est la réforme des serviteurs. استقامة الأحوال. La droiture de leurs états. الدين والدنيا. Que ce soit dans leur religion ou bien dans leur vie. بتصحيح العقيدة. Et aussi donc, elle corrige les dogmes et les croyances. والأعمال. Et les actions. والأخلاق. Et aussi les comportements. والأداب. Aussi l'éducation. فأصبحت الأمور واضحة. Et ainsi tout devient clair et évident. ليلها كنهارها. Elle est aussi claire de jour comme de nuit. Celui qui la délaisse est quelqu'un qui a péri. Donc il y a plein de choses qu'on peut en bénéficier à partir de là, du dogme qui est correct. Donc le dogme nous enseigne tant de choses. Elle met sur la droiture. Et elle corrige. Elle corrige les adorations, les façons de traiter, et les comportements et l'éducation. Donc le dogme est global et total. Et hier, donc, nous avons abordé le sujet de la culture et aussi l'identité. Voilà, cela fait partie des choses qui font l'essentiel de ces choses. Donc c'est pour ça qu'on commence par l'abid. Notre discours aujourd'hui, c'est l'explication de ce livre. Donc il est inclus dans le sujet que nous avons traité hier. C'est une pratique. Pour donc, ici, donc, c'est comme si c'était des travaux pratiques pour concrétiser l'identité musulmane. فسار على ذلك أمته فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ولرسوله وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجد عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. هذا فيه وصف أن هذا الأمر هذا الاعتقاد ليس شيء جديد. Voilà, ici il commence à décrire que cette dogme ce n'est pas quelque chose de nouveau de récent. إنما هي عقيدة مستمرة. Ou bien au contraire, c'est un dogme qui prend la suite et qui une continuité. منذ الأولين. Depuis les premiers. وهم الصحابة. Qui sont les compagnons. إلى من بعدهم. Et après ceux qui les ont succédé jusqu'au jour de la résurrection. La preuve, il l'a cité ici. Voilà, il y a une partie qui resteront toujours donc, sur la vérité. Cet enchaînement est un enchaînement qui est lié par la dogme. Le dogme, elle n'est pas sujet au développement. Ou bien à éliminer ou à enlever, ni à rajouter, car ce sont des choses qui relèvent de l'invisible. Ils nous ont parvenus, nous les avons connus, nous les avons entendus, et nous y avons cru. Ainsi donc nos cœurs, comme si nos cœurs ils sont ancrés dans le cœur et on a fait un nœud. Rien de nouveau dans le dogme. Ça, c'est cela notre dogme. La première. Donc on se le passe comme héritage. C'est pour cela. Nous prenons garde de celui qui n'a pas appris. Et qui veut parler. On ne parle pas avant d'avoir appris. On apprend, puis on parle. Apprends auprès de ceux qui ont la science. Si toi tu dis donc je n'ai pas appris auprès des savants, comment tu veux par cela apprendre aux gens? Salman al-Farisi radiallahu anhu dit, comme il est rapporté par l'imam al-Darimi dans son introduction, les gens demeureront toujours sur le bien tant que les derniers prennent auprès des premiers. Si le premier donc périt avant que les les, ceux qui viennent après prennent la science auprès de lui, tout le monde va périr. Donc c'est ça l'enchaînement dans la relation, ou bien le lien de parenté entre les savants. Donc il faut que tu aies un lien de parenté dans la science. Le fait que tu veilles à assister à de telles assemblées, ça c'est une façon de s'attacher à la science et les gens de la science et les assemblées de science. Je vous remercie pour cette présence. Voilà, c'est quelque chose qui réjouit les yeux et qui rend heureux le cœur et aussi qui rend heureux l'âme. Que les gens de la sunna pour entendre la dogme des gens de la sunna d'un savant qui fait partie de la sunna. Et nous nous y apportons quelques commentaires, sinon elle est claire et évidente. Mais il y a certaines choses qui nécessitent quelques qu'on attire l'attention sur ce. C'est sur leur pas que nous marchons. Et c'est à Allah que se fait le retour. ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. شيخنا يقول أنا سني. Donc Cheikh Al-Uthaymeen رحمة الله عليه il revendique que c'est un sunni. أنا على طريق من قبل. Il dit, je suis sur la voie de ceux qui m'ont précédé. Je me vante de cela. Car ça, c'est leur voie. Et ça, c'est leur façon de. Et c'est leur démarche. Il est basé sur le Coran et la Sunna. Moi, je les prends comme guide. Et quand je dis cela, c'est pour être reconnaissant de ce bienfait d'Allah. Et pour montrer ce qu'il m'incombe. Et nous aussi, nous disons la même chose. Notre aqidah est salafie. Et notre da'wah est salafie. Et notre comportement est salafie. Et notre éducation est salafie. Donc nous vivons et nous mourons pour cette da'wah. Nous avons la tête haute avec cela. Pour quelle raison? Car c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons et de ceux qui les ont suivis. C'est ce qu'Allah nous a ordonné. Le dogme des gens de salaf. Et non pas de ceux qui ont suivi. Et ça donc, c'est la preuve qu'elle est claire et évidente. Ce sont les propos de Cheikh Rahimallah. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. هذا حال العبد. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا دائما يسأل الله تعالى. إلى أن بلغ الله سبحانه وتعالى. ما يغتر بنفسه. ما يغتر بنفسه. ولا إني بعضك. Leurré par sa propre personne et qu'il compte que sur sa propre personne. Qu'Allah nous préserve donc de nos propres mains. C'est pour ça que l'être humain il doit avoir recours auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il invoque Allah souvent. Lequel? Allahumma ya muqallib al-qulub والأبصار ثبت قلبي على دينك. والله qui détourne les cœurs et les vues affirme mon cœur sur ta religion. كذا. Faut souvent le répéter. كذا. Faut souvent le répéter. الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. Le prophète صلى الله عليه وسلم le faisait. السجود dans la prosternation il le faisait cela. لا تقترب نفسك. Donc ne sois pas leurré par ta propre personne. Et recours auprès de ton Seigneur. Pour qu'il t'affermisse sur cette voie. Jusqu'à ce que tu meurs sur cela. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala une bonne fin. Amen. وتفرق أهواء الخلق فيه أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. Et pour l'importance, donc le Cheikh Allah il dit, et pour l'importance de ce sujet, et que la division donc des passions des gens à propos de ce sujet, j'ai aimé écrire un livre d'une manière résumée qui exprime notre aqida, l'aqida de Ahl Sunnah al-Jama'a, qui est وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. جميل جميل. انظر هذه الكلمات. Très belle ces paroles. يقول أنا سأختصر. Il dit donc, je vais résumer. Donc, il a évoqué les six piliers de la foi. Car les piliers de l'islam, elles relèvent des actes apparents. Et les piliers de la foi, ce sont des cœurs, des actions qui relèvent du cœur. Elles sont cachées. Ce sont des choses qui sont dans l'intérieur de la personne. C'est sur lesquelles donc ils sont ancrés dans le cœur et le cœur il est lié. Il a écrit son livre et il a imploré à Allah plusieurs choses. Il a imploré que son ouvrage soit, bien son œuvre soit pure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne suffit pas qu'il soit pur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, et qu'il soit conforme à son agrément. Et quel est l'agrément d'Allah? C'est ce avec quoi il a envoyé son messager. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc il ne suffit pas de dire que j'ai une pure intention pour Allah. Il faut que tu sois conforme à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il a imploré à Allah qu'il soit bénéfique pour ses serviteurs. Et il l'est, et c'est le cas. Vous voulez que je vous montre une preuve? Cheikh Mat. Donc, Cheikh, rahimahullah, il est déjà décédé. Et nous, ici, dans le nord de la France, nous étudions son livre. Voilà, pour en tirer profit de ce qu'il a écrit. Ça, c'est la preuve qu'Allah a exaucé son invocation. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde. C'était des gens qui étaient sincères et purs dans leur intention. Ils écrivent pour appeler Allah. Non pas pour vendre leurs ouvrages. Aqidatuna. عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Donc, notre profession de foi consiste en la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier et au destin bon ou mauvais. Donc, il va donc les expliquer dans les détails l'une après les autres. Et nous allons les aborder donc en quatre assises. Et demain donc et donc on aura terminé. فنؤمن بربوبية الله تعالى أي بأنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. هو الخالق هو رب. Donc le Seigneur, le Maître. ربان. Donc c'est lui. ورب جميع العالمين بنعمة. Voilà, c'est lui qui nous a éduqué, qui a éduqué toutes les créatures par ses bienfaits. هو خالقنا. C'est lui notre Créateur. أوجدنا من عدم. Il nous a créés à partir du néant. Donc c'est à lui que nous appartenons. Nous sommes ses esclaves. C'est lui donc qui gère nos affaires. Et ainsi que tous nos affaires. Qui sommes-nous? Donc nous ne sommes que par lui. Donc nous agissons et nous obéissons à ses ordres. Donc pourquoi ne pas y croire en lui? Et tu te prosternes à autre que lui. Et tu sacrifies, tu et tu jures par autre que lui. Et tu invoques autre que lui. Tu implores l'aide auprès d'autre que lui. Où est donc ta foi en lui, alors que tu implores autre que lui? Adorez Allah, vous n'avez pas un autre Seigneur que lui. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Et donc, il y a tant de versets qui montrent qu'il n'y a personne qui peut venir réclamer ce qui lui revient de droit. Je me permets. ونؤمن بألوهية الله تعالى أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه بعض. هنا انتقل إلى مسألة أخرى. لا دونك il aborde un deuxième point. ما هي؟ laquelle؟ الألوهية. الألوهية. l'adoration. والذي مر بنا قبل قليل. est-ce que nous avons vu tout à l'heure؟ الربوبية. donc la Seigneur. ما الفرق بين الربوبية؟ Donc, quelle est la différence entre les deux? Tous les deux, c'est l'unicité. L'unicité se divise en trois parties. L'unicité de la Seigneurie. Et c'est le fait de croître, le fait d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala seul les actions. Et quant à tawhid al-uluhiyya, l'adoration, c'est le fait de vouer le culte. C'est le fait de donner à Allah subhanahu wa ta'ala de lui vouer les actes de ceux qui sont responsables. Le troisième partie. Donc, l'unicité des noms et des attributs. Qui consiste. C'est qu'on lui attribue à Allah. Là, on lui donne les noms et les attributs que lui, il s'est donné. Et les attributs qu'il s'est donné. Rien ne lui est semblable. Et il lui donne l'audient, le clairvoyant. Ou bien par ceux par lesquels son messager lui a donné comme nom ou comme attribut. Les noms et les attributs relèvent de l'invisible. Donc nous n'y avons aucune connaissance si ce n'est ce que lui nous en a informé. Donc le fait de lui attribuer la création, la subsistance, c'est lui qui les donne lui seul, ça c'est Tawhid al-Rububiyya. Nous sommes donc des êtres humains, les fils d'Adam. Nous adorons Allah. Cette adoration, on appelle donc l'unicité d'adoration. On l'appelle aussi donc tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ibada. Donc les deux, que ce soit uluhiyya. نفرد الله بقصدنا وأقوالنا وأعمالنا. Voilà, donc nous vouons à Allah le culte sincère, que ce soit avec nos propres, que ce soit avec nos paroles, que ce soit avec nos actes. بعبارة أخرى. En d'autres termes. إفراد الله بأفعال المكلفين. Voilà, donc c'est le fait que ceux qui sont responsables comme nous doivent leur action sont uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. ونؤمن بأسمائه وصفاته أي بأن له أسماء بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. هذا توحيد النوع الثالث. Donc ça ici l'abord le troisième cas d'unicité. نسميه بما سمى به نفسه. nous lui attribuons les noms qui s'est attribués. Et aussi les attributs qu'il s'est donnés. Nous lui affirmons ce qu'il s'est affirmé. Et ce, les choses qu'il a niées, nous les nions. Par exemple, parmi les choses qu'il a s'est attribué, les choses qu'il a niées. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Donc le fait qu'il s'est attribué donc al-hayat, la vie, et al-qayyumiyya aussi. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Donc il ne peut connaître ni fatigue ni sommeil. As-sina muqaddimat al-ghafwa qabla an-nawm. Donc voilà, donc sina c'est ce qui précède le sommeil. Voilà, c'est le fait, c'est l'état qui précède juste le sommeil, le fait que le corps soit décontracté et les yeux, les paupières se ferment. Et le sommeil, c'est le sommeil. Et donc ici, Allah il s'est attribué des choses, il a nié des choses. Alors qu'est-ce qu'il s'est attribué, il s'est nié donc, au début de Ayat al-Kursi. Allah, la ilaha illa huwa, al-hay, al-qayyum. عده اشياء اثبتها نفسه صح ولا لا ما هو الذي نفى عن نفسه ها شنو لا تاخذه سنه ولا نوم نفى عن نفسه النوم مقدماته اذا نثبت ما اثبت ننفي ما نفى donc au début de ce verset Allah il s'est attribué donc la vie, il s'est attribué le fait qu'il se subsiste à lui-même, et aussi dans cette sourate, au début de ce verset, il a nié qu'il soit donc qu'il est le seul qui mérite l'adoration, et aussi il a nié qu'il connaît l'état de sommeil ou bien l'état qui le précède, ni la somnolence ni le sommeil. Est-ce que c'est clair? ونؤمن بوحدانيته في ذلك أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا في هذه الآية dans ce verset توحيد الربوبية il y a donc l'unicité de la Seigneurie أين هو donc il réside où رب السماوات والأرض donc le Seigneur et aussi il y a une unicité de l'adoration la preuve donc adore-le et sois endurant dans cela et il y a aussi donc une unicité des noms et des attributs est-ce que tu lui connais de son plan dans ce verset là donc هي دليل في أنواع التوحيد الثلاثة. C'est la preuve des trois unicités. وقليل من الآيات التي اجتمعت في وقليل من الآيات التي اجتمعت فيها أنواع التوحيد الثلاثة. Voilà, ils sont vraiment rares les versets dans le Coran dans lesquels les trois sortes de l'unicité ont été réunies. بل أهل العلم. Mais même les savants disent. يقولون في قل هو الله أحد. Ils disent que dans sourate Al-Ikhlas. نالت الفضل. Elle a eu le mérite parce qu'elle a abordé donc l'unicité dans ces trois formes. ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم كذلك آية الكرسي فيها هذه donc le fait qu'il a récité et évoqué sourate آية الكرسي ça montre son importance وذكرنا هذا قبل قليل et nous venons juste de l'évoquer ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إذا هذه الآيات أيضا فيها أسماء Dans ces versets récités, il y a aussi les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle évoque aussi l'unicité de la seigneurie, l'unicité de l'adoration. Dans le sens, le cheikh donc a mis son introduction et il a fait suivre par les versets ces membres d'axe-là pour prouver la véracité de ce qu'il a dit. فأنا قلت هذا القول. Moi donc j'ai dit ce que j'ai dit. وهذه أدلتي على هذا الكلام. Et voilà les preuves de ce que j'avance. نعم. ونؤمن بأنه ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هذا في ملكه لكل شيء. Et là donc, il s'agit de la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala de toute chose. Donc c'est lui qui détient le fait de donner. Et c'est lui qui prive. Il fait don à celui qui veut des garçons. Et à d'autres des filles. Ou bien certains sont stériles. Et celui qui a les deux, garçons et filles. Il y a celui qui, dès son premier de mariage, dès le début de son mariage, il y a des enfants. Et il y a celui qui peut attendre peut-être 10, 20, 30 ans pour en avoir. Donc c'est lui qui donne. Car celui qui détient, celui qui possède la chose, c'est lui qui la donne. Donc c'est lui qui détient la chose, c'est lui qui en est capable de la donner. Il a donc la royauté des cieux et de la terre. Toute chose. Voilà, donc il tient ta bonne santé. Ta vue et ton ouïe. Ton ouïe. Donc ta capacité de marcher. Ta capacité d'exprimer. Il peut l'enlever quand il veut. Et il te les redonne quand il veut. Comme il y a tant de personnes étaient voyants et après ils ont perdu la vue. Et il y a celui qui marchait qui est devenu paralysé. Et tant de choses. Il y a celui donc qui est semi-paraplégique. C'est lui qui détient ton cœur. Aussi ton pouls. Et aussi tes artères. Et même donc le sang qui coule. Il détient donc l'univers entier. Il donne et il prive. Il fait don. Nous demandons à Allah de ses bienfaits et qu'il ne nous prive pas de ce qui nous peut être bénéfique pour son obéissance et qu'il nous détourne de toute chose qui peut attirer sa colère. Qu'il donc Allah nous préserve de toute chose qui attire sa colère. Nous demandons à Allah qu'il nous protège et qu'il nous préserve donc du mal de nos propres personnes. Donc l'âme a tendance à transgresser entre donc des passions et des choses équivoques, une équivoque dans sa religion ou bien une passion dans sa vie. Et nous avons un Seigneur généreux, très miséricordieux. Il pardonne et il accepte de repentir et il cache. Demande-lui, il t'accordera. Implore donc le fait qu'il cache tes défauts, il le fera. Il t'accordera ton repentir et il change ton état donc de mauvais à mieux. C'est lui qui détient toute chose. Donc nous lui implorons qu'il nous donne de sa largesse. Que ce soit dans cette vie-bas ou dans l'au-delà. Et qu'il réforme nos descendances. ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. لماذا انحرف المنحرفون؟ Pourquoi ceux qui ont dévié, ils ont fait cela? خالف. خالف. Parce qu'ils ont donc, ils ont délaissé. Voilà, ils ont donc détourné la seigneurie. Et ils ont accordé à la créature les choses dont seul le créateur n'est capable. J'ai entendu une personne égale. Il s'appelle Jifri. Qui s'appelle donc le Jifri. يقول إن الولي يستطيع أن يرزق الولد. الولي يستطيع أن يرزق الولد. Il dit donc que le wali est capable de donner un enfant, la descendance. الله هو الذي يرزق. Il n'y a qu'Allah qui peut donner des enfants. هذا الكلام جديد في القنوات، هذه القنوات الجديدة. Voilà, ça c'est des propos que nous entendons sur les chaînes. Il y a vraiment des choses étonnantes. Et il y a ceux qui croient ce qu'il dit. Et qui tournent donc autour des tombeaux. Et qui demandent donc à cette tombe, ou bien celui qui est enterré, de lui donner la descendance. Ou bien la femme, elle vient et elle tourne autour de la tombe. Et elle demande donc qu'il lui accorde un enfant. هذا الكلام ليس جديد. Donc ces propos ne sont pas nouveaux. قديم. Cela sont il y a des ce sont des propos anciens. عندنا كان في جزيرة العرب. Dans la péninsule arabe. قبل الإسلام. Avant la venue de l'islam. وبعد الإسلام. Et même après l'islam. في نحو سنة 1200 للهجرة. Donc en l'an 1202 l'Hégire. خرج رجل. Il y a un homme donc dans la région de Najd. Dont le nom est Mohamed ibn Abdul Wahhab. Avec sa da'wa, elle est connue et c'est lui qui a réussi à ramener les gens vers ce sur quoi ils étaient les premiers. Il dit qu'il a trouvé des gens dans un village auprès d'un énorme palmier. Le palmier. Voilà, donc, dans les palmiers, il y a donc ceux qui sont de genre masculin et ceux qui sont de féminin, ce qu'on appelle donc, les palmiers qui sont donc mâles, on les appelle fahl. Donc la femme, elle faisait donc des tours autour de fahl. Le palmier mâle, et qui dit Ya fahl al fahl. Ça va pas dire ça. Ya fahl al fahl. Urzuqni zawjan qabla dawr al hul. Yani qabla ma tum al sana. Ya fahl al fahl, urzuqni zawjan qabla dawr al hul. Voilà, donc ô toi le fahl de tous les fahl, donc le mâle de tous les mâles, accorde-moi un époux avant la fin de l'année. Donc ça existe. Il tournait aussi autour de la tombe de Zayd ibn al-Khattab. Et Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahmatullah, il venait. Et les gens qui faisaient leur tawaf et ils demandaient. Et donc il était connu donc, que dans ses propos il disait Allah il est meilleur. Il est mieux que Zayd. Donc il levait la voix et il criait, il disait Allah est mieux que Zayd. Voilà, pour faire réfléchir leur raison. Voilà. Et il y a tant de personnes, ils ont délaissé la tombe, ils se sont tournés vers Allah. تحركت الفطرة الصحيحة. Voilà, donc la saine nature a retrouvé son chemin. وذهبت الوثنية التي في النفوس. Et voilà donc et l'association qui était dans les âmes elle s'est dissipée. هذا انحراف الناس. Voilà comment les gens ont dévié. وفي الأسماء والصفات انحرف. Et aussi dans les noms et les attributs ils ont dévié. الله عن نفسه يقول ليس كمثله شيء. Donc Allah en parlant de lui-même il dit il n'y a rien qui lui est semblable. وهناك من يقول لا. Et il y a ceux qui disent non. سميع كسمعنا بصير كبصرنا. Donc il est audient comme nous et il est voyant comme nous. الله يقول عن نفسه ليس كمثله شيء. C'est Allah lui-même qui parle de lui-même et qui dit rien qui lui est semblable. هل تعلم له سميع؟ Est-ce que tu lui connais de semblable؟ وهو السميع البصير. Donc c'est lui donc l'audient, le clairvoyant. ليس كمثله شيء نفي. Donc la première partie, dans la première partie de ce verset, il nie. وهو السميع البصير إثبات. Et dans la deuxième, il affirme. ليس كمثله شيء نفي المشابهة والمماثلة وإثبات الصفات على غير امتثال تمثل أو تشبيه. Voilà, dans la première partie, il nie la ressemblance. Et dans la deuxième, il affirme donc les attributs sans ressemblance. Il y a donc des gens qui ont commis de l'excès de zèle par rapport à l'affirmation. Il y a d'autres qui ont exagéré par rapport à la, au fait de nier. Donc c'est de l'excès. Donc ceux qui ont commis de l'excès dans l'affirmation, ils ont dit il est audient comme nous. Et donc ceux-là, ils ont fait ressembler à Allah ces créatures. Et donc ceux qui ont donné à Allah des semblables, c'est comme s'ils avaient adoré une statue. Et ce n'est pas Allah. Allah il dit rien qui lui est semblable. Et vous lui avez donné un semblable. Et il y a ceux qui ont nié. Donc eux ils ont commis l'excès dans le fait de nier. Donc ils ont dit il est audient sans vue, il est audient sans ouïe et il est clairvoyant sans vue. Donc il n'est ni à l'intérieur du monde, ni à l'extérieur, ni au-dessus, ni en bas. Donc ils ont nié toute direction et toute orientation. Donc ils ont adoré le néant. Vous adorez qui? Allah en parlant de lui, il dit Ar-Rahman, il s'est établi au-dessus du trône. ألا تؤمن ما أخبر الله عن نفسه؟ Tu ne crois pas donc en ce Allah ce au quoi Allah il a dit à propos de lui-même؟ آمنا به. Nous y avons cru. فالذين انحرفوا في مفهوم الأسماء والصفات. Donc ceux qui ont dévié quant à la notion des noms et des attributs. أخطأوا في فهم هذه. Donc leur erreur, donc ils ont mal compris ce dogme. فمنهم من أخذ بالشطر الأول. Il y a ceux donc qui ont pris que la première partie. فنفى. Et ils ont nié. فأثبت. Donc il a affirmé. والعكس عكس. Voilà. Et le contraire. لكن نحن أهل السنة والجماعة. Mais nous, أهل السنة والجماعة. نثبت ما أثبت نفسه. Nous affirmons ce qu'il s'est affirmé. ليس كمثله شيء. Rien ne lui est semblable. ونؤمن بما أخبر عن نفسه. Et nous y croyons en ce croyant. سميع بصير. Qu'il est audient et qu'il est clairvoyant. نعم. أنا فصلت في هذه المقدمة حتى نعرف أنواع التوحيد الثلاثة. Voilà, donc je me suis attardé pour qu'on connaisse, prend connaissance donc des trois parties de l'unicité. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. الخلق والملك والرزق. Donc la création, donc le fait que tout lui appartient et le fait que c'est lui qui donne la subsistance. Donc il part de la subsistance. Voilà, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas fini ce que Allah t'a destiné comme subsistance. Ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. Donc, il y a une histoire qui est arrivée chez nous. أحد كبار السن رحمه الله. Une personne âgée qu'Allah lui accorde sa miséricorde. سقط في البئر. Il est tombé dans un puits. وهي بئر عميقة. C'est un puits profond. وتعرفون آبار الصحراء. Donc vous connaissez les puits du désert. ليست كآبار المناطق التي فيها الماء. Donc elles ne sont pas semblables à, aux puits qui sont dans les régions où il y a de l'eau. L'eau, elle est vraiment profonde. Il est resté donc au fond du puits, mais il était vivant. Il n'y a rien donc qui lui est arrivé. Donc ils ont jeté la corde et ils l'ont tiré. Lorsqu'ils l'ont sorti, il s'est assis à côté de lui. Donc il avait peur. Il y a une personne qui lui a ramené du lait. Il a bu. Il s'est calmé. Ils lui ont dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc il a dit, donc j'étais à côté, comme ça, j'ai regardé au fond, voilà, donc il voulait leur montrer ce qui lui, qu'est-ce qui est arrivé, donc il s'est mis au bord du puits, il leur dit, voilà ce que je voulais faire, et encore une deuxième fois, il s'est trouvé au fond du puits, mais cette fois-ci, il est mort. Voilà, ce qui lui restait, c'était le verre de lait à boire. Voilà, donc ta subsistance, elle te parviendra. Donc, parfois, on se précipite pour nos subsistances, même avec les choses qui sont illicites. ونؤمن بأنه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن هنا العلم. Ici donc il aborde le fait de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La création, la royauté, l'existence et la science. C'est une science parfaite et globale. Tout ce qui s'est passé, il le connaît. Et tout ce qui est à venir, il le sait. Il sait dans toute chose. Il sait ce qui s'est déjà passé. Et ce qui va arriver. Et ce qui va arriver. Et ce qui n'aura pas lieu, s'il devait avoir lieu, comment il aurait lieu? Comme donc. Voilà, comme donc le récit qui est donc sur la caverne avec le Khadr, lorsqu'il a fait ce qu'il a fait. Donc s'il n'avait pas fait cette chose-là, leur bateau il aurait été pris. S'il n'avait pas redressé le mur, on aurait découvert le trésor et ainsi de suite. Nous sommes ici. Ouais. Donc la forêt, elle existe. Donc, il y a des arbres. Voilà. Il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'Allah le sache. Il sait toute chose. Donc il connaît le regard furtif et ce que cachent les poitrines. Il sait ce qu'il y a au fin fond des mers. Et ce qu'il y a donc au milieu, au sein des montagnes. Nous implorons à Allah qu'il cache nos défauts. Donc, fais le plus possible que de craindre Allah subhanahu wa ta'ala en ta propre personne. Donc, la faiblesse de la foi. Si le serviteur croyait vraiment en la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala en toutes choses, certainement il délaisserait tant de choses qui sont interdites et illicites. Il y a donc un enseignant qui voulait apprendre à ses élèves. Il leur a donné 3 poules. Il a dit à chacun, il va et égorge là où personne ne te voit. Il y en a deux qui sont revenus, ils avaient égorgé leur poule. Et le troisième, il est revenu avec sa poule vivante. Il lui a dit, pourquoi tu ne l'as pas tuée? قال قلت لي اذبحها لا يراك احد يعني va tu m'as demandé de la tuer là où personne ne te voit وكل ما اختفيت في مكان et à chaque fois que je me suis caché علمت ان الله يرى j'ai pris connaissance que Allah me voit voilà donc je ne peux pas le faire قال هذا ما اريد il a dit donc c'est ça ce que je voulais vous apprendre مراقبتك لعلم الله بك donc le fait que tu prennes conscience qu'Allah t'observe et te regarde elle va renforcer très certainement ta foi et elle te, ça sera un rempart de temps pour toi de faire de commettre tant de choses c'est ça donc la croyance c'est ça la croyance donc elle exhorte à faire et agir ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء وكلم الله موسى تكليما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا هنا أيضا إدراكه سبحانه عز وجل لأنه يقال لفت كل الله سام تشر بهذه الأمور كلام الله تؤمن بكلام الله afin que tu crois en la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala القرآن كلام القرآن لا معنى الله التوراة لا توراة aussi الإنجيل الإنجيل aussi الزبور les psaumes de David الصحف donc les feuillets de سيأتي تفصيلها كلها كلام الله et tout cela il va les détailler tout cela c'est la parole d'Allah نؤمن بكلام الله nous croyons donc en la parole d'Allah هذا فيه رد على الذين قالوا أن الكلام مخلوق et ça c'est un contre-argument pour ceux qui ont dit que là que la parole elle est créée et que le dame le plus correct c'est que la parole d'Allah elle n'est pas créée ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو أن ما في البحر ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم هنا ضرب الله مثلا Ici, Allah il a donné un exemple que si les océans étaient de l'encre et tous les arbres des plumes, donc, l'encre donc, qui représente les océans et la mer, il s'épuisera. Et tous les arbres qui représentent des plumes, ils se termineront et les paroles d'Allah ne s'épuiseront jamais. Ça, c'est une énorme grandeur. ونؤمن بأن كلمة ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث قال تعالى قال الله تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا وقال ومن أصدق من الله حديثا وصفها بثلاث صفات الله ici il a attribué à ses propos trois vertus هذه الصفات التي وصفها بالكلام كلمات تامة. donc ce sont des paroles parfaites. وصادقة. véridiques. وعادلة. et juste. ثم بين جمالها وأنها أحسن حديث. puis après qu'il a montré que c'est les plus belles des paroles. كم مرة قرأتم سورة الفاتحة؟ combien de fois avez-vous récité سورة الفاتحة؟ كثير. très certainement plusieurs fois. هل مليت من كثرة قراءتها؟ est-ce que quelqu'un s'est enlacé de la lire؟ jamais on ne peut s'enlacer donc ça c'est la meilleure des paroles la parole d'Allah donc elle ravit les âmes et elle les apaise et aussi elle s'inquiète c'est avec l'invocation d'Allah que les cœurs s'inquiètent et le meilleur des rappels la parole d'Allah ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قل نزله روح القدس من ربك بالحق وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين هذا هو القرآن نكسس الله و Voilà, c'est le Coran, c'est la parole d'Allah, nous l'avons déjà évoqué. ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته لقوله تعالى وهو العلي العظيم وقوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. علو الذات. Donc le fait qu'Allah soit au-dessus avec son entité. علو القدر. Et aussi sa notoriété. علو المنزلة. Et aussi dans sa place. وهو القاهر فوق عباده. Donc c'est lui. Donc c'est lui qui domine ses serviteurs. Donc le tout miséricordieux, il s'est établi au-dessus du trône. Alors que tu te prosternes, la pureté à Allah le Très-Haut. Lorsque tu viens invoquer Allah, tu te tournes vers le ciel et tu lèves les mains. Pour quelle raison? Car tu sais qu'Allah est Très-Haut. Au-dessus de son trône établi. La pluie. Voilà, donc, lorsqu'il descend, il est très dans l'homme. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son voyage nocturne. L'Isra et le Mi'raj. Subhanallah, il ashra bi'abdi hilayla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi baraka hawla. Hadha al-Isra. Voilà, donc ça c'est l'Isra de la Mecque jusqu'à al-masjid al-aqsa. Et le masjid al-aqsa. Hadha المعراج الاسانسيون اريد به الى الله jusqu'à donc Allah subhanahu wa ta'ala الى سدرة المنتهى وهو بالسماوات الشب الجوجيبيان والحديث طويل الحديث donc il est long فكيف ياتي اناس comment donc il y a certains يقول ما ادري وين الله il dit on sait pas Allah il est لا تقول الله فوق ماذا faut pas dire qu'Allah il est au-dessus donc je dis quoi Allah فوق Je dis, Allah, il est au-dessus. Le Prophète s'adresse à une esclave. Donc l'histoire qui est connue de cet homme-là qui a frappé sa esclave. Et le Prophète lui a posé la question, où est Allah ? Elle lui a dit, au-dessus du ciel. Il lui a dit, qui suis-je ? Il lui a dit, l'envoyé d'Allah. Il a dit, affranchis-la les croyants. Il y a des gens donc, qui viennent aujourd'hui et qui disent, il ne faut pas dire, Allah il est où ? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le prophète qui a posé cette question. Et moi je ne fais que le suivre. Mais ce n'est pas toi que je dois suivre. Donc toi tu considères que cette question elle est fausse et c'est une erreur ? Tu ne sais pas que c'est le Prophète qui a dit cela. Donc apprends. Il ne faut pas que tu sois. Tu t'es autant de culot vis-à-vis d'Allah et de ses attributs. C'est Allah qui parle de lui-même et qui dit Ar-Rahman il s'est établi au-dessus de son trône. Et toi tu dis non. Vous connaissez mieux Allah que lui-même. ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلالاته وبجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. بجلاله. بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو هذا هو الصواب في هذا الأمر oui donc ça c'est la vie le plus correct dans cette الذي يرد به على جميع من حضره في هذا المعنى لأنه ما قال استوى قال استولى donc ça c'est notre argument contre tous ceux qui ont qui ont altéré le sens du terme istawa, il s'est accaparé. Voilà, donc qui est-ce qui l'avait avant lui afin pour que lui il s'en accapare? C'est lui qui l'a créé. Et il s'est établi. Et il n'en a même pas besoin. C'est l'une de ses créatures. ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه. يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم يرزق الفقير ويجبر الكثير يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال لأنه وصف الله بما لا يليق من النقائص هذه اسمها المعية ici donc on parle de المعية l'accompagnement والمعية نوعين et donc l'accompagnement il est de deux sortes معية عامة donc il y a un accompagnement qui est général un accompagnement général et global ومعية خاصة et celle qui est privée et spécifique ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا Voilà, donc il n'y a pas trois qui tiennent un discours en secret sans qu'ils soient avec eux, ni quatre, ni cinq. À la fin du verset, Allah dit, et Allah a cerné toutes choses, il connaît toutes choses. Donc il est avec eux, avec sa science et sa connaissance. Donc c'est pour ça si donc le Cheikh Rahimahullah il a évoqué une belle parole il a dit il est avec eux avec sa science alors qu'il est au-dessus de son trône et donc il est avec les croyants donc ça c'est un accompagnement qui est spécifique Allah est certes avec ceux qui craignent et ceux qui sont bienfaisants ما هي المعية هنا؟ donc de quel accompagnement ici s'agit de quelle معية؟ معية حفظ. donc le fait qu'il les protège. وتأييد. le fait qu'il les soutienne. وتوفيق. le fait qu'il leur accorde succès. فيؤيدهم ويحفظهم. donc il leur accorde la réussite et il les préserve. احفظ الله يحفظك. donc préserve Allah il te préserve. كن مع الله. sois avec Allah. كن الله معك. Allah sera avec toi. Donc il te préservera et il t'accordera donc son aide. ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له هذه المسألة Ici donc il aborde le fait que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend. Donc c'est lui qui a dit qu'il s'est établi au-dessus de son trône. Et c'est lui qui a informé qu'il descend donc chaque nuit au dernier tiers de la nuit. Nous y avons cru car cela nous parvient de la part d'Allah. Voilà, donc on n'interprète pas le sens, on ne le détourne pas et on ne fait pas appel à notre raison. Pourquoi donc on ne peut pas faire appel à la raison? Parce que Allah a dit dans ce sens, rien ne lui est semblable. Tu ne peux pas faire appel à la raison. Et tu dis donc, il est. Donc et tu parles de l'insan. Toi en tant que maître. Allah, amrou, la, laisse ta mithlihi. Donc, il ne faut pas donc faire appel à la raison et penser, toi en tant qu'être humain, tu sais ce que ça signifie le mot descendre, mais l'appliquer pour Allah, ça c'est une erreur. On ne peut le savoir. Et personne ne le sait d'ailleurs. Il n'y a que lui qui le sait. Il a dit dans rien de lui et son âme. Et c'est lui l'audion, le clairvoyant. لا يجوز لك أن تقول كيف يسمع كيف يبصر. voilà donc quelqu'un dans ta situation ne peut pas te dire comment il peut voir comment il peut entendre. لا يجوز لك أن تقول كيف استوى كيف ينزل. il n'était pas permis de dire comment il s'est établi comment il descend. تذكرون كلمة الإمام مالك المشهورة تعلمونها. voilà donc vous connaissez très certainement la parole connue de l'imam Malik رحمه الله. حصل الإمام مالك في درس من دروسه. donc l'un dans l'un des cours qui était donné par Imam Malik Rahmallah. Et c'était dans la mosquée du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. Et donc il était connu, c'est l'imam de Médine. Il y a un homme qui est venu au milieu de l'assemblée. Et il a dit, oh Malik. الرحمن على العرش استوى. الرحمن سيد أبليم au-dessus de son trône. كيف استوى؟ Comment؟ سؤال. Question. أول مرة يحصل. Qui a été posé pour la première fois؟ أطرق رأسه. L'imam Malik رحمه الله a baissé la tête. أصابته الرحمن شدة. Donc il a été donc pris. تصبب العرب. De force donc il commençait à transpirer. شدة هذا السؤال. Donc, de par le poids de cette question. Puis après, il a levé la tête. Il a dit donc, l'istiwa, le fait de s'établir, ça c'est quelque chose qui est connu. Il croit, relève de l'obligation. Poser la question sur le comment est une innovation. Je ne pense que tu ne fais tu n'es qu'un moubtadi. Et après, il a ordonné qu'on le sort de la mosquée. Ils m'ont pris, ils m'ont jeté. Mulabbis. Hada al-mulabbis. Il a dit mulabbis. Hada ma'na al-mulabbis. Donc, ça, c'est le vrai terme de mulabbis, celui qui cache les choses et qui essaye de mettre le doute sur les choses. Ma ma'na kalam l'imam Malik. Qu'est-ce qu'il voulait dire, l'imam Malik, à Allah, par ses propos? Nabdi'ala. Donc, on le voit bien. Qala al-istiwa ma'loum. Il a dit l'istiwa, c'est quelque chose qui est connu. من حيث معنى اللغة. Voilà, connu, c'est-à-dire de la part le sens dans la langue arabe. لا من حيث حقيقة الاستواء. Et non pas donc la vérité de le fait. الاستواء معلوم. لأننا نخاطب بلغة نعرفها. Voilà, parce qu'on est. C'est le terme, les mots dans lesquels il est dit dans une langue que nous comprenons. الاستواء معلوم. والإيمان به واجب. Il croit donc relève de l'obligation. أي من حيث إيش؟ الاعتقاد. نؤمن بهذا. De par donc la croyance, il nous incombe d'y croire. Donc il a dit, j'ai oublié tout à l'heure que l'imam Malik lui a dit le kayf, il est inconnu. Poser dans cette question, c'est une innovation. On a été dans l'un des cours qui était donné par Cheikh. Et quelqu'un qui a posé une question. Donc une question qui ne devait pas. Si j'avais mon téléphone, je vous aurais fait écouter le passage. Mais hier, je vous ai dit de ne pas ramener les téléphones. Voilà, il y a quelqu'un donc, qui a posé une question qui ne devait pas. Cheikh Ahmadullah, il lui a demandé de se taire. Et après, donc, il a continué son cours. La personne s'est relevée. Donc, il s'est adressé à lui avec, dans le dialecte saoudien. Il a dit loue Allah que je ne t'ai pas mis dehors. Il a dit donc le fait déjà de voir là que je t'ai laissé à ta place. Sinon, normalement, dans ta question, tu méritais d'être dehors. Donc il s'est tué. ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد لقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. إذن هذه مسألة تسمى المجيء. Ici donc, il s'agit de la salle qu'on appelle magie, le fait qu'Allah vient. Donc on dit, Allah il vient d'une manière qui lui est sciée et qui est digne de lui. Ça fait dans combien de minutes? ثم ننظر لأنفسنا كيف نجي لا ليس كمثله شيء هذه تقال في كل الأسماء والصفات donc il vient والأفعال Il vient donc, ça on lui attribue de la manière qui est digne de lui. Il n'en parle et on n'en pense pas, et nous, à aucun moment il nous appartient de penser qu'il vient comme nous, on vient. Et on applique toujours le même verset, rien ne lui est semblable. Et c'est lui, l'audion, le clairvoyant. Inch'Allah, nous commençons. بعد صلاة العصر نتمنى من الله في الخير العصر ما شاء الله تبارك وتعالى يرزقنا إياكم العلم النافع ونزكى الله سبحانه فيك والعمل الصالح إلى فتح الله من حفظ الله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد يا ولد طيب انت ما جيت لا